Serafine et Akizimana sur la mise en onde, on s'excuse sur les 3 minutes qu'on a enregistrées de retard. Cooptation ce mardi d'une vingtaine de députés par la Commission électorale nationale indépendante pour respecter les équilibres ethniques et genres exigés par la Constitution burundaise, va expliquer le commissaire à la CENI chargé de la communication. Et la conférence des évêques catholiques du Burundi dénonce des irrégularités ayant entaché les 3 élections combinées de 20 mai. Vous entendrez le président de cette conférence qui salue toutefois la sécurité qui a marqué le jour du scrutin. Au sommaire également, ces grognes des caféiculteurs des provinces Ngozi et Kayanza dont le café n'est pas réceptionné au-delà de 18h. Ce qui décourage le ministre Deogi Delulema ayant l'agriculture dans ses attributions que vous entendrez tout à l'heure dans une descente organisée dans ces provinces. Et à la fin de ce journal, dans la rubrique « Parlez, rassure-moi », l'on vous propose le discours à tenir par les politiques pendant la période post-électorale. Voilà pour l'essentiel. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bonjour. La Commission électorale nationale indépendante CENI a procédé ce mardi à la cooptation de 20 députés, selon le porte-parole de la CENI. Cette cooptation consiste à combler les équilibres ethniques et genres qui sont exigés par la Constitution burundaise. Parmi les députés cooptés, le CNDD-FDD a 14, dont 8 femmes et 6 hommes. Le parti CNL a 5, dont 3 femmes et 2 hommes, ainsi qu'un député issu de l'UPRONA. Tous sont de l'ethnie Tutsi, dont 11 femmes et 9 hommes. À cela s'ajoutent 3 députés de l'ethnie Twa, dont 2 hommes et 1 femme. Au total, pour la législature de 2020-2025, la chambre basse du Parlement aura 23 députés issus de 3 formations politiques, et ceux de l'ethnie Twa, précise Philippe Enzo Bonaliba, porte-parole de la Commission électorale nationale indépendante. Et je vous le disais en titre, la conférence des évêques catholiques du Burundi apprécie positivement le déroulement du triple scrutin en toute sécurité, mais dénonce des irrégularités qui ont marqué les élections du 20 mai 2020. Dans un communiqué sorti ce mardi, le président de cette conférence indique avoir déployé près de 2800 observateurs dans des bureaux de vote pour cette fin. Monseigneur Joachim Haoundéré y appelle toute la population à rester sereine et calme, tout en gardant la foi et la confiance suivie. Nous, membres de la conférence des évêques catholiques du Burundi, comme nous nous l'étions proposé, nous avons mandaté 2716 observateurs à ce triple scrutin du 20 mai 2020. Partant du rapport qu'ils nous ont déjà soumis, nous estimons utile et pertinent de livrer au public le communiqué qui suit. D'après le constat qu'ils ont fait, nous reconnaissons que les élections se sont passées en général dans le calme. Mais nous déplorons beaucoup d'irrégularités. Nous déplorons notamment la contrainte exercée sur certains mandataires à signer d'avance les procès-verbaux du dépouillement du contenu des urnes, le bourrage de certaines urnes, le vote à la place des défunts et des réfugiés, les procurations multiples et donc invalides, le fait que dans certains bureaux de vote, il y ait eu des électeurs qui ont voté plus d'une fois, l'exclusion des mandataires et des observateurs des lieux de dépouillement du scrutin, les intimidations et contraintes exercées sur des électeurs par certains administratifs qui les accompagnaient jusque dans les isoloirs, l'intrusion des personnes non autorisées dans les lieux de comptage des voix, le secret du scrutin qui n'était pas garanti partout, la confiscation des accréditations et des téléphones de certains observateurs. Face à toutes ces irrégularités et bien d'autres, nous nous demandons si elles ne portent pas préjudice au résultat à proclamer. Quoi qu'il en soit, autant nous condamnons toutes les injustices, autant nous refusons tout recours à la voie de la violence. Nous terminons par un appel à toute la population à mettre sa confiance dans le Seigneur qui reste le seul maître de l'histoire et à garder le calme. C'était Monseigneur Joachim Haoundéré, président de la Conférence des évêques catholiques du Burundi, toujours en page politique. Le parti CNL en commune Buganda de la province Cibitoke dénonce des menaces proférées à l'endroit de certains de ses membres, surtout sur la 5e et 2e transversale à Kasenyi. Selon le représentant communal de son parti à Buganda, ces menaces sont formulées par des membres du parti CNDD-FDD. Le secrétaire du parti au pouvoir en province Cibitoke demande qu'une infraction soit individuelle et non globale. Le gouverneur de la province Cibitoke, quant à lui, demande à la police et à la justice de sanctionner tout cas de perturbation de l'ordre public sans considération de son parti d'origine. Alexis Dairagichi. Sur la 5e transversale Gasenyi de la commune de Buganda, c'est un ménage des membres du CNL qui a été attaqué par 3 membres du CNDFDD, où 2 femmes ont été battues. À la 2e transversale Gasenyi, c'est un membre du CNDFDD qui lance des propos injurieux aux jeunes filles et femmes. Telles sont les grognes du représentant du CNL à la commune de Buganda. À part ces 2 localités citées, Kaburando de la même commune, Bohindo et Buhaira de la commune de Mugui, Ruziba et Gitumba de la commune de Mugui, certains de son parti indique qu'ils sont menacés après la proclamation des résultats des dernières élections. Vincent Sahumana, représentant du CNL à Buganda, néanmoins remercie la tenue de l'administration de la commune de Buganda qui a pris certaines stratégies afin que les membres du CNL de la localité de Chounou, de cette commune, regagnent leur ménage après avoir quitté la localité suite aux menaces de certains membres du CNDFDD après les dernières élections. Le représentant de la Ligue des Jeunes, Imbonera Kourie, en province Cibitoke, demande que membres de son parti, s'il est une infraction, qu'il soit sanctionné comme un simple citoyen pour ne pas ternir l'image du parti au pouvoir. Arben Sekambabaye, secrétaire provincial du parti CNDFDD à Cibitoke, demande que les membres de son parti qui marmènent les autres membres des partis politiques soient sanctionnés exemplairement pour éviter l'impunité. C'est au moment où il avait déjà entendu ce qu'on fait de Bavia en commune Buganda sur le 5e et 2e transversale Gasenyi. Sur le grogne du représentant du CNL en commune Buganda, le gouverneur de la province Cibitoke, Joseph Teriteka, demande à la police et à la justice d'arrêter de sanctionner toute personne qui perturbe la paix et la sécurité en province Cibitoke sans considération d'origine de son parti, tout en demandant à toute la population de Cibitoke de rester serein dans la sauvegarde de la paix et la sécurité. Depuis Cibitoke, Alexine Dairagije, Radio Isanganiro. Merci Alexis Ndaïra Guidje. Après une courte pause, page économie au rendez-vous. Isanganiro. 13h05 dans les yeux de la radio Isanganiro, tout en vous rappelant que vous pouvez suivre cette édition via le www.isanganiro.org. Travailler avec les investisseurs étrangers et favoriser l'investissement des capitaux burundais hors du pays peut contribuer à relever l'économie burundaise. C'est du moins le point de vue de l'économiste et professeur d'université Jean-Prosper Niyoboke. Selon lui, parmi les grands chantiers qui attendent le nouveau chef de l'État dans le domaine économique figure le renforcement de la bonne gouvernance et l'amélioration du climat des affaires. Je propose de l'écouter. Celui qui va donc briguer son mandat de 7 ans, il doit essayer de respecter ce qu'il avait défini au niveau de ses programmes. Il y a plusieurs places qui sont là. Ce sont des instruments qui, peut-être, il y en a en partie qui sont déjà en application, il y en a d'autres qui sont en attente. Je dirais que celui qui va briguer son mandat, il n'a qu'à se référer d'abord à ces instruments-là et essayer d'instaurer un climat de travail serein, empreint de volonté d'autres partenaires. Là, je ne parle pas des partenaires locaux, que des partenaires internationaux. Là, c'est très simple. Je ne dirais pas que le climat en soi est malsain, mais je dirais qu'il faudrait quand même améliorer pour que les investisseurs puissent quand même rapatrier ces capitaux. Ça, c'est en partie par rapport à ces investisseurs étrangers. Mais autant, c'est chercher à mettre en place les conditions favorables pour que les opérateurs économiques puissent quand même sentir un certain soulagement. Pourquoi ? Pour pouvoir mieux les permettre quand même de se relancer. Ça va s'échelonner en fonction de la typologie de ces acteurs. Si on commençait par exemple ces acteurs micro qui sont au niveau des sectifs et tiers qui sont les coopératives, là il faudrait voir comment mettre à leur niveau un dispositif vraiment qui leur permet de faire des choses. Ça qui aient beaucoup de difficultés en l'occurrence, c'est au niveau des taxes. Par exemple, ceux qui sont au niveau du secteur agricole, c'est chercher vraiment à spécialiser certaines filières, permettre à ce que le secteur agricole puisse être un secteur vraiment dynamique qui pourrait vraiment œuvrer donc pour le marché. Donc, deuxièmement, c'est ceux qui sont voudraient investir au niveau de ces secteurs puissent avoir de facilité. Ils ne peuvent accepter de venir investir ici pendant qu'il y a certaines barrières Quoique ces mécanismes de protection pourront être éducateurs à un niveau. Une autre chose, comme les grands chantiers, là, c'est par rapport aux infrastructures sociales et économiques. Là, je soulignerais les routes, par exemple. Ce sont des projets macro à mon niveau. Autant là, je parlerai, si on est à ce niveau, de chantier par rapport à l'électrification. Lorsqu'on voudrait booster l'économie, c'est autant mieux de voir que faire pour que cette grande partie de la population puisse quand même pouvoir utiliser certains services qui, jusque-là, ne sont pas observés à leur niveau. Si je reviens au niveau de certaines orientations stratégiques à travers certains plans, là, l'accent en particulier, c'est aussi à émettre pour que quand même puisse y avoir un développement de la coopération, pour qu'on puisse donc faire en sorte que les partenaires au développement puissent avoir confiance à ce qu'on fait, à ce que le futur dirigeant va faire pour que ces derniers puissent se tenir dans nos projets de développement. Prosper Niyowoke qui s'entretenait avec notre confrère Charles Makoto. Agriculture à présent, des caféiculteurs des provinces Ngozi et Kayanza se plaignent que les stations de lavage clôturent la réception de café à 18h. Dans une descente effectuée ce mercredi dans ces provinces, le ministre de l'Environnement, Agriculture et Élevage demande aux responsables des stations de dépulpage et lavage du café de réceptionner le café des caféiculteurs même au-delà de 18h. Deogui Derulema dit qu'il faut prévoir des rampes d'éclairage à défaut du courant électrique suivi. Partout où nous avons été sur le terrain, surtout dans les provinces de Kayanza et dans la province de Ngozi, nous constatons que dans ces deux semaines, nous allons connaître le pic de production du café. Donc il y aura la maturation du café de manière importante. Et normalement, on conseillait aux gestionnaires des stations de lavage de recevoir le café jusqu'à 18h. Mais compte tenu de cette quantité importante que nous allons connaître dans ces deux prochaines semaines, nous lançons plutôt un appel aux gestionnaires des stations de lavage de toujours recevoir le café des caféiculteurs, même au-delà de 18h. Là où il n'y a pas d'électricité, nous allons demander au DG de l'ODECA et à ses collaborateurs et de chercher le matériel d'éclairage comme les rampes torches pour qu'on puisse aider la population. Parce que ne pas recevoir ce café, et la population risquerait de retourner dans leur ménage avec ce café et la population va commencer par traiter ce café de manière traditionnelle, ce qui nous ferait perdre la qualité de ce café. Deogui Derulema, il est ministre en charge de l'agriculture. Est tenu ce mercredi 27 mai du Conseil des ministres sur l'ordre du jour figure l'audit approfondi d'Air Burundi étendu à la Subgea, le projet de décret portant octroi d'un permis de recherche et des terres rares et de minerais associés dans le périmètre de Minago Murago en faveur de la société Femigo. La note sur les stratégies de réforme institutionnelle et organisationnelle de la Régie des eaux ainsi que le plan stratégique et multisectoriel de sécurité alimentaire et nutrition. Interdiction depuis ce mardi de l'achat des haricots en cours de route dans la province de Makamba. C'est la mesure prise par le gouverneur de cette province qui explique que c'est dans le but d'éviter la malversation des récoltes. Les commerçants sont priés à cet effet de se rendre au marché pour s'en approvisionner. Et aux familles, la vente doit être consensuelle au niveau du bureau provincial en charge de l'agriculture. L'on recommande l'exploitation des marais pour pallier au manque criant de haricots qui s'observait ces derniers mois en province Makambaya. En page sportive, mais en bref, avant de passer dans la rubrique « Parlez, rassure-moi », les matchs restants organisés par la Fédération burundaise de football se joueront à huis clos au stade Intwari. C'est la décision ce mardi du président de la Fédération de football au Burundi après l'envahissement de l'aire de jeu par le public après le sifflet final du match Interstar Musongati au stade Intwari. Réverien Dikouli explique que la décision a été prise dans le but de protéger les joueurs et les officiels. La mesure a été prise alors que ce samedi, ce stade va accueillir un derby de la capitale Bujumbura entre Interstar et Vitalo FC. Parle, rassure-moi. Après les élections, les leaders politiques devraient adopter un discours apaisant et rassembleur quant à leurs sympathisants. Le sociologue Patrice Sabougouheba indique que chacun devrait faire une introspection et rebâtir sa cohabitation avec son entourage. Les détails, c'est dans cette chronique qui nous a été préparée par Oban Niokourou. Pendant la campagne électorale, les candidats sont occupés à expliquer leur projet de société, tandis que les membres sympathisants sont, quant à eux, emportés par l'écoute des projets de société divers. Pour Patrice Savogueba, sociologue, après la campagne électorale, chacun devrait faire une introspection et songer à assainir ce milieu social en commençant par soigner son langage. Les messages sont souvent liés au contexte, du moment, au contexte du temps et de l'espace. Aujourd'hui, une recommandation, c'est que tout le monde retourne au bercail. Un mouvement de retour en famille, dans la communauté, dans le voisinage. Et dans ce voisinage, rappelez-vous du message, rappelez-vous du langage de paix, de réconciliation qui vous guider dans le temps avant la campagne. Alors, récupérez ce message, ce langage lié à la préservation de la paix. Selon toujours ce sociologue, lorsque son candidat idéal n'a pas remporté ou lorsque la compétition ne s'est pas passée comme on le souhaitait, le citoyen doit toujours militer pour une vie paisible avec sa communauté et laisser d'autres affaires aux personnes habilitées. J'ai suivi pas mal de discours de différents leaders politiques. Je n'ai jamais entendu un message qui appelle à l'enterrement de la haut, donc qui empêche le peuple burundais, le citoyen lambda, de cultiver, de faire l'élevage ou de faire quelques métiers pour survivre. C'est-à-dire que ce message ne devrait pas venir d'un leader politique, qui qu'il soit. Si par aventure ce message arrive discrètement, le citoyen devrait l'accueillir raisonnablement. Raisonnablement, ça veut dire qu'il doit se rappeler, qu'il doit vivre indépendamment des messages de ses leaders politiques. Lorsqu'il y en a parmi les leaders qui adoptent des messages de haine, Patrice Savogueba conseille aux citoyens de ne pas prendre en compte de mauvais exemples, mais plutôt suivre les meilleurs. Merci Oban Yonghure, c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous séparer, je vous rappelle que ce mardi, la Commission électorale nationale indépendante a procédé aux cooptations pour respecter les équilibres ethniques et genres exigés par la Constitution burundaise. Vous avez entendu les explications du commissaire en charge de la communication au sein de cette commission. Et la conférence des évêques catholiques du Burundi dénonce des irrégularités ayant entaché les trois élections combinées du 20 mai. Vous avez entendu le président de cette conférence qui salue toutefois la sécurité qui a marqué le jour du scrutin. Au sommaire également, il s'agissait des grognes des caféculteurs des provinces Ngozi et Kayanza dont le café n'est pas réceptionné au-delà de 18h. Ce que décourage le ministre Deogi Delulema ayant l'agriculture dans ses attributions que vous avez entendu tout à l'heure dans une descente organisée dans ces provinces. Point final à cette édition. À vous tous qui l'avez suivi, je vous dis merci. Merci également à Séraphine Hakizimana qui l'a mise en nom d'Eli Nibel Nibigra Jeté à sa présentation. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi. Au revoir.